Lettre 109e, Calpurnie à son frère Lucius, Nicomédie, mai 305. Le temps s'écoule lentement, les jours se succèdent, aucun n'apporte du secours ou de l'espérance. Galerius est furieux d'avoir été trompé. Il fit poursuivre Constantin, mais celui-ci, grâce aux soins de son ami, avait assez d'avance pour échapper, et nous savons positivement qu'il a dépassé Byzance, et qu'il est sur les frontières de l'Illyrie. Jusqu'à ce que les serviteurs du tyran soient arrivés là, il sera déjà dans la Gaule, ou peut-être même sur mer et en toute sûreté. Mais le malheureux Agathoclès, toute la colère de Galerius retombe sur lui. Lorsqu'il apprit la fuite de Constantin, il fut hors de lui de fureur, écumant de rage et maltraitant tous ceux qui l'approchaient. Il prononça sur le champ le jugement d'Agathoclès, et je frémis de te l'écrire, il donna l'ordre de le livrer dans le cirque aux bêtes sauvages. Tout Nicomédie fut révolté de cette barbarie, mais principalement les Joviens dont il était tribun. Ils murmuraient hautement et donnèrent des marques non équivoques de leur mécontentement. Tiridate risqua ce que personne n'avait osé depuis la fuite de Constantin. Il se rendit à Césarée, où Galerius habite ordinairement. Il lui représenta dans quelle disposition était le peuple, les menaces des Joviens et les dangers que cette affaire pourrait avoir pour lui-même. Enfin, il s'y prit si bien que Galerius révoqua l'ordre cruel de le livrer aux bêtes, mais il fut impossible d'obtenir sa vie. La seule chose que Tiridate put encore extorquer fut un délai de quelques jours et la permission de voir Agathoclès en faisant le serment de ne pas chercher à le sauver. Il demandait aussi que son ami pût revoir sa femme et ses enfants. Mais Galerius, sans le refuser positivement, lui imposa silence. Ah, que l'homme apprend à être modeste à l'école du malheur! Comme ces faibles faveurs nous parurent importantes! Avec quel empressement je courus chez Théophanie pour lui donner cet espoir et la consolation de pouvoir lui écrire par Tiridate, qui le verra tous les jours, et de recevoir de ses nouvelles. Ce fut pour elle un bonheur de penser qu'il ne serait pas seul. Depuis le jour fatal où je lui appris l'action sublime de son époux, je ne l'ai presque pas quitté, et j'éprouve moi-même un grand soulagement en employant tous les moyens qui sont en mon pouvoir pour tranquilliser l'épouse d'Agathoclès, de cet ami si cher à mon cœur. Hélas, que peut la plus tendre amitié, les soins les plus dévoués, sur un chagrin tel que celui qui la dévore? Je craignais pour sa vie ou pour sa raison, mais une lettre que je lui ai remis hier de son mari produisit en elle un changement que je croyais impossible. Dès qu'elle aperçut son écriture, une vive rougeur se répandit sur ses joues. Un tremblement général la saisit. Elle pressa la lettre sur ses lèvres, sur son cœur, et ses regards élevés vers le ciel me dirent qu'elle adressait des actions de grâce à son Dieu. Elle commença de lire, mais ses yeux se remplissaient de larmes, les premières qu'elle eût versées. La crainte qu'elle n'effaçasse les caractères tracés par Agathoclès l'arrêta. Elle replia la lettre et donna un libre cours aux pleurs qui la soulagèrent. Je ne l'en empêchai point, et j'en versai avec elle. Lorsqu'elle eut pu lire sa lettre, d'abord vite et ensuite lentement, elle se leva et prononça avec noblesse, dignité et une expression que je ne lui avais jamais vue. « Il m'ordonne de vivre. Je veux obéir à mon Dieu et à mon époux. Je veux supporter la vie. » Elle voulut alors sortir de sa chambre. Je la soutins en lui demandant où elle voulait aller. « Auprès de mon fils, me dit-elle, son père m'ordonne de vivre pour lui. Je ne veux plus le quitter. » Elle pouvait à peine marcher. Je la priai de rester tranquille, et j'envoyai chercher l'enfant. Il arriva. La scène dont je fus le témoin ne s'effacera jamais de ma mémoire. Elle fut aussi solennelle que douloureuse. Lucius, il faut que cette foi chrétienne soit un bien beau sentiment, puisqu'il inspire autant de courage. Depuis ce moment, Théophanie s'arme d'une patience et d'une fermeté qui surpassent tout ce que j'ai vu. Elle ne quitte plus son enfant et le soigne autant que ses forces le lui permettent. Elle suit tout ce que le médecin lui ordonne pour sa santé, elle parle davantage, et s'efforce même quelquefois de paraître prendre intérêt à d'autres choses. Hier, nous parlâmes ensemble de Sulpicie. Je continuais cette conversation qui semblait l'attacher, mais au milieu de l'entretien, si un mot, une idée la rappelle à ses malheurs, elle se tait subitement et fond en larmes. Son enfant seul peut la calmer. Mais moi, je peux à peine me modérer quand je pense que tout ce désespoir est une suite de l'amour sans borne qu'elle a pour un époux qui donne sa vie pour sauver celle d'un ami, et sacrifie en même temps sa pauvre femme à cette exaltation. Tous les hommes, même les plus sages, abusent du pouvoir que notre faiblesse et notre trop grande sensibilité leur donnent. Tous comptent notre bonheur pour rien, lorsqu'un autre intérêt, une autre passion les domine. L'amitié pour Constantin l'emportait donc dans le cœur d'Agathoclès sur son amour pour sa femme. Voilà, si j'étais elle, ce qui endurcirait le mien sur le malheur de le perdre. Mais elle pense bien différemment. Elle admire un dévouement dont ils sont tous les deux victimes, et pas l'ombre d'un reproche n'échappe à son âme si cruellement déchirée. Un homme serait-il capable d'aimer ainsi? En vérité, je ne le crois pas.